tu m'appelles en pleine nuit. Les oiseaux dorment, c'est joli. Tu fumes un joint, tu me souris. Les oiseaux chantent, c'est joli. Je voudrais vivre sous une tente. Les oiseaux volent et c'est joli. Ta dentition est excitante. Les oiseaux pleurent et c'est joli. Je vais m'acheter un tapis. Les oiseaux chantent et c'est joli. On ne voit plus tes yeux quand tu souris. Les oiseaux dorment, tu es jolie.